va jouer les suites de morceaux. Le premier morceau s'appelle « Thank you Mr. GB » et comme nous sommes en pays étranger, nous allons expliquer un peu. GB, c'est à peu près mammouth pour vous. Ça paraît paradoxal, c'est comme ça. Au radar. Un radar ou un mammouth chez vous, chez nous, ça vient GB. C'est curieux. Et c'est un morceau sur l'approvisionnement libre dans les grandes surfaces, qu'on prend qui pourra. Bonsoir. Thank you. Enfonce dans mon cœur tes électrons sauvages.